LC Rally Wine on the area now. Check this out. Check this out. Abattu par tes chagrins, tu n'as plus de perspective. Entre peine, drame et remords, ton cœur ne veut plus suivre. Ce désespoir assombrit tes jours prochains à force d'y croire. Ton esprit est en déclin, dans la défaite tu te lamentes sur ton sort. Mais l'échec est un revers qui n'épargne pas l'effort. Sais-tu que la crampe récompense l'effort que le mérite s'obtient en se battant, peu importe le score. Inutile d'emprunter au bonheur quand tu souffles. Les intérêts forcher tes cœurs qui t'emmènera dans un gouffre. Ressaisis-toi, bats-toi, fais-le pour ceux qui sont partis, mais te regardent des cieux. L'espoir est un héritage laissé par leurs âmes. Leur fais pas croire que tu t'abstiens de toute forme de courage. Démontre-leur que tu ne seras pas martyr, que tes actes ne sont qu'hommage de leur vie avant de partir. Convoyez, peu importe les difficultés, allez leur dire qu'on n'oublie pas de relativiser. Même si on navigue en eau trouble, même si trop belle en découdre, on doublera d'efforts pour exister. Convoyez, peu importe les difficultés, allez leur dire qu'on n'oublie pas de relativiser. Même si on navigue en eau trouble, même si trop belle en découdre, l'équilibre ne doit pas être occulté. Les imposteurs aimeraient avoir place, mais un film est l'espoir qu'un jour justice soit faite. On se prête au jeu et bien souvent on perd de vue sa quête surestimant l'influence de ceux qui tiennent les manettes. Ton existence t'appartient à toi de tout stopper vite. Tout ce qui te fait manquer de recul aboutit à ce que tu t'inquiètes. Au lieu de courber les chines, entraîne-toi à briser tes chaînes, à mettre en échec le système. La voie de négatif hallucine dès qu'il nous empêche de correctement avancer. Suivez les voies du quotidien, brider sans que l'on soit vraiment offensé. Jusque dans nos pensées les plus intimes, y'a toujours pire ailleurs, tout est fait pour que tu t'inclines. Non mais dis-moi, le verre est-il à moitié vide ou à moitié plomb? Dis-moi, les sornettes tournent des cerfs pour qu'ils s'occupent le terrain. À qui vas-tu dédier ta hargne? Remonte la pente, chaque jour suffit sa peine. On jette ta télécommande. Convoyez, peu importe les difficultés, allez leur dire qu'on n'oublie pas de relativiser. Même si on navigue en eau trouble, même si trop belle en découdre, on doublera d'efforts pour exister. Convoyez, peu importe les difficultés, allez leur dire qu'on n'oublie pas de relativiser. Même si on navigue en eau trouble, même si trop belle en découdre, l'équilibre ne doit pas être occulté. La tête haute, sans jamais se retourner, vaincre tes fautes, les mettre à plat sur une page et la tourner. Une chose est sûre, rien ne se fait sans sueur. Améliore ton futur, et positif face au malheur. Porte ton amour comme linceul contre le mal-être. Apporte sur ton parcours de la chaleur et non le paraître. Juste un sourire sans faire d'excès de toi, une façon de vivre qui consolidera ta foi. On dit que l'expérience elle donne compte à ses erreurs. Non, rien ne sert de courir, mais rien ne sert d'être winner. L'humain doit tisser des liens et combattre les impostures. On n'est pas tout seul à penser de la sorte, les on resserre. On est censé effacer les passés, les blessures se placer. Assumer nos choix, nos ratures, même si falsifier nos rassures plus cassées. On se doit de plier sans casser. Passif et un coup lors d'un abysme, c'est. Convoyez, peu importe les difficultés, allez leur dire qu'on n'oublie pas de relativiser. Même si on navigue en eau trouble, même si trop belle en découdre, on doublera d'efforts pour exister. Convoyez, peu importe les difficultés, allez leur dire qu'on n'oublie pas de relativiser. Même si on navigue en eau trouble, même si trop belle en découdre, l'équilibre ne doit pas être occulté. Convoyez, peu importe les difficultés, allez leur dire qu'on n'oublie pas de relativiser. Même si on navigue en eau trouble, même si trop belle en découdre, on doublera d'efforts pour exister. Convoyez, peu importe les difficultés, allez leur dire qu'on n'oublie pas de relativiser. Même si on navigue en eau trouble, même si trop belle en découdre, SC Rally Wai Kong bien médité. Yes, toujours présent, c'est la version Mr. SC Rally on side. Moi-même D-Y-T-W-E-W-I-A with a diary resist. Don't you know? On ne lâche pas la paix, on redouble d'efforts tous les jours malgré les écueils qui se présentent à nous. Don't you know? Jamais ne m'a dit une rag, I'm off in timing. Yeah, okay.